être simple. Si tu veux me charmer, même dans une pièce éteinte, tu m'as remarqué, élégant comme King Hustler que je suis. Des jumelles, comment faire un choix? J'invite les deux, il faut en faire plus pour me plaire.